Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Le Mont-Saint-Michel, du sable au clocher, une série de Nejma Bouakra réalisée par Laurent Polleret. Au départ de cette série, il y a ces lieux où l'on aimerait se laisser enfermer la nuit pour les arpenter, une hauteur qui émerge de la mer et des routes empruntées depuis des siècles. Mais surtout, il y a un lieu fou qui concentre tourisme, élevage, mauvais panini et religion, mais aussi du sable, de l'eau, du sel, des algues, des coquillages, des herbes couchées par le vent et tout un équilibre fragile qu'on n'en finit pas de stabiliser à force d'avoir tout bouleversé. Alors pour commencer, les personnages. Des ornithologues avertis, un pêcheur de saumon et son père, un guide les pieds dans l'eau, des pêcheurs devenus éleveurs de moutons, des spectateurs impatients et des randonneurs enthousiastes. Ensuite, le décor. Des grandes marées, des traces de pas millénaires, des filets de pêche, Bourville, des ULM, des barques, le mascaret, des phoques, un vieux chien de berger, une digue, des oies, des ragondins et des présalés. Aujourd'hui, troisième épisode, on se met pieds nus. Je ne sais pas si vous le voyez, mais le mascaret est en train de passer à 500 mètres de nous, au niveau de la pointe du Groin. On voit ce flot, cette vague, et dans quelques instants, la surface qui est devant nous va se retrouver sous l'eau. Alors, peut-être encore le temps d'aller rechercher quelques mystères ensablés. Alors là, on prend un peu de risque. Alors, on a quelques minutes. Oui, si vous voulez. Mais alors, pieds nus. Hein. Les trésors ensablés de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est très tactile, hein, cette impression-là, c'est à la fois frais, on a des empreintes, hein, on voit que c'est assez argileux, donc on a quelques crevasses. Et ce qui est assez extraordinaire chez les gens qui vivent dans la baie, c'est qu'ils ont une capacité aussi à lire cette surface, et donc de pouvoir prédire le comportement qu'ils auront s'ils sont chargés notamment en matériel de pêche. Ils vont éviter certains secteurs. Là, on le voit, c'est légèrement gras sous les pieds, c'est frais mais gras. Et si vous êtes accompagné donc d'un outillage ou d'une pêche surabondante, parce que vous avez été à la pêche et vous avez énormément de poissons, eh bien c'est un secteur à éviter. Alors ce qui est amusant aussi, c'est les traces qu'on va laisser. Parce que ces traces, rien ne dit que dans quelques centaines ou milliers d'années, ces traces vont se libérer de la gangue de tang, hein, qui se dépose régulièrement. Et c'est un petit peu comme ça qu'a été découvert il y a une vingtaine d'années une pêcherie très ancienne, une pêcherie de l'âge du bronze. En fait, la mer a dégagé des couches de tang, de sable et de vase, et a découvert des empreintes d'un enfant, d'un adulte. Et à côté a été découvert tout un système de pêche très très ancien, donc datant de l'âge du bronze. C'était une pêcherie. Donc là, on est peut-être en train de conserver nos traces pour l'éternité. La mer passe au travers de cette pêcherie. Passe au travers, c'est un V. Les poissons avec. Voilà, les poissons avec. Et puis ensuite, tout se fait, mais comme la plupart des pêches ici en baie du Mont-Saint-Michel, tout se fait à marée descendante. Les poissons vont se retrouver emprisonnés entre deux murs en V de bois et vont devoir glisser lentement vers le piège terminal. Et là, ils vont finir normalement dans la main du pêcheur. Ici a vécu un monde de pêcheurs, de cueilleurs de coquillages, d'éleveurs et de chasseurs. des mondes enfouis refont surface certains jours de grandes marées. Les gens d'aujourd'hui glissent dans les pas de ceux d'autrefois. Mais pour peu que ce sable, à perte de vue, recouvre toute la baie, jour de tempête, le mont Saint-Michel, tel Khéops, peut apparaître ou disparaître. Et ce gros caillou dans sa baie de 40 000 hectares, parcouru de trois fleuves et ravagé par les marées, a bien failli non pas être soluble dans l'eau, mais être figé dans les terres. Exit, les gens alentours vivant du sel, de la pêche, cueilleurs, rangez vos paniers, une digue insubmersible en 1874 raccorde le mont à la terre et étend l'agriculture au pied du mont. La détérioration du site est visible. La querelle des beaux-arts et celle des ponts et chaussées ne fait que commencer. Le mont Saint-Michel, doit-il rester une île? Dans son écrin, contre vents et marées? Est-il de toute éternité? Un monument a-t-il vocation à rester identique à lui-même? Gardons-nous de répondre pour l'instant à ces questions et remontons aux petites heures du matin à basses eaux les grands bancs de sable et de vase. Le mont Saint-Michel se dessine aujourd'hui, vêtu de rose à l'horizon. Ah, c'est une route. Ouais, c'est une petite route. Ici, nous sommes sur une petite route qui longe la baie. Mais ce n'est pas un gué. Pourtant, on a l'impression d'être au fond de l'estuaire. Et c'est tellement immense. On est au fond, si vous voulez, de cette partie, je dirais, estuarienne de la baie du Mont-Saint-Michel. En fait, vous avez là sur votre droite, là, c'est l'une. Et un peu plus loin devant vous, là, c'est. Donc, en fait, on est sur une pointe qu'on appelle la Roche Taurin. Et en fait, c'est un endroit intéressant pour observer la marée montée, parce que forcément, en fait, vous serez au pied d'un des fleuves, ou bien des deux fleuves, quasiment comme aujourd'hui. Donc jour de grande marée comme aujourd'hui, des bateaux peuvent s'avancer, des voiliers, des plaisanciers maintenant jusqu'au mont Saint-Michel. Ça peut arriver, hein. Attention, il y a une barrière à moutons. Le fait que la marée soit haute ou basse, on n'a pas les mêmes usages de la baie. Non, mais en fait, il y a peu d'usages de la baie à marée haute. Parce qu'elle est peu navigable, parce qu'elle n'est plus assez maritime, je dirais. Vous l'avez connue maritime? Non, j'ai jamais connu. Enfin, après, si vous voulez, j'ai déjà été en bateau avec mon père au pied du Mont Saint-Michel. Mais je suis déjà allé, mes parents habitent dans le fond de la baie, vous voyez, sur la partie... estuarienne là, de la C, si vous voulez, la marée vient quasiment devant chez mes parents. Je suis déjà remonté le fleuve Lacé à marée haute avec mon père, quasiment jusque devant chez nous, quoi, si vous voulez. Et alors, c'est généralement tôt le matin comme là. Des bateaux qui naviguent dans la baie, ça arrive, les jours de grande marée. Parfois, on a même plein mal de voiliers qui se rassemblent au pied du Mont Saint-Michel. Mais c'est uniquement les jours de très très grande marée. Alors, il faut qu'en fait, il y ait suffisamment d'eau pour naviguer comme là, voilà, exactement. Vous aviez un ragondin là-bas. En plein hiver, vous venez ici, vous avez le matin des centaines, voire plus qu'un mille ou 2000 d'oies qui, sur cette partie-là, vont venir s'alimenter de certaines plantes sur le pré salé. C'est un vrai, vrai spectacle. C'est le spectacle ornithologie parmi les plus connus et les plus intéressants à observer dans la baie. Ça fait beaucoup de bruit, c'est très spectaculaire. En fait, la baie du Mont-Saint-Michel, elle se bouche, elle se colmate, elle s'ensable, et qu'en fait, ce dépôt de sédiments qu'il y a depuis des milliers d'années fait qu'à un moment donné, quand les bancs de sable, enfin les bancs de tang, vous allez voir, la matière, c'est pas vraiment du sable, et on appelle ça généralement du sable, mais c'est de la tang, une matière sable-argile, et bien quand ça atteint un certain niveau, la marée ne vient pas souvent, ça s'assèche, ça devient donc moins maritime, et ça permet à des plantes en fait, de s'installer dessus. Et au bout d'un moment, ça finit par former ce qu'on appelle un tapis végétal. Et le tapis végétal, c'est le présalé. Là, vous avez quatre tas d'antes de belon qui passent juste devant nous, mais qui sont en train de longer la cellule. Donc ça, c'est vraiment en fait la partie estuarienne de la baie. Mais le présalé, ce qui est gênant en soi, c'est que c'est un espace figé. Alors que l'espace, je dirais purement minéral, qu'on appelle donc scientifiquement la slick, et ben lui, il change constamment. Bah, d'état ou d'aspect, si vous voulez, parce que c'est un désert sec parfois, un désert mouillé, un désert qui, lui, carrément, comme là, comme il y a des effets de moire, vous savez, de miroir d'eau, et après, bah, ça va être, tout à l'heure être la mer carrément, quoi. Donc ça va être totalement immergé. goûtons les prés salés. Nous avançons devant le Mont Saint-Michel, qui est à quelle distance de nous? Alors, un peu moins de 6 km. Un peu moins de 6 km, mais évidemment, on ne va pas aller s'aventurer sous les conditions qui règnent actuellement, c'est-à-dire marée montante, puisque dans quelques minutes, la surface qui est proche de nous va être recouverte d'eau. Cette immensité qu'on a pu comparer au désert biblique, en réalité, toute cette baie a été extrêmement peuplée. Et oui, non seulement peuplée, il y avait de nombreux usages. Oui. Le mont, comme ici à Saint-Léonard, comme à Genêt, eh bien vous aviez à peu près une vingtaine de pêcheurs professionnels qui puisaient dans cette baie du Mont-Saint-Michel tous les poissons, les crustacés comme les crevettes. Donc un milieu extrêmement riche et forcément très utilisé. Il semble pourtant que les poissons d'eau salée n'étaient pas bienvenus sur les tables des moines, mais plutôt les poissons d'eau douce. Oui, alors oui, mais effectivement, sauf quelques poissons royaux, comme le saumon qui passe dans les deux rivières devant nous, puisque nous sommes à proximité de la C et de la C-Lune. Et qu'est-ce qui passe au-dessus de nos têtes? Alors ça, c'est un ULM, c'est le petit oiseau virevoltant dans la baie, assez régulier, qui vient un petit peu modifier l'ambiance sonore habituelle. Cette baie avec ses grandes marées, je crois, une des marées qui ont les coefficients les plus importants d'Europe. Oui. Comment est-ce qu'on peut naviguer et pêcher dans cette baie? Naviguer, certes, mais avec difficulté, pêcher beaucoup plus facilement, mais en utilisant des techniques qui sont essentiellement des techniques de pêche à pied. Et pour ce faire, on a déployé ici des engins de pêche qui sont absolument phénoménaux en nombre. Chaque instrument a été adapté, soit à la saison, soit au type de pêche. On a par exemple, bien sûr, des filets, mais on a aussi des engins qu'on appelle des engins actifs, des sortes de raquettes, d'épuisettes qui vont permettre aux pêcheurs, pour certaines raquettes, d'utiliser, de chercher des crevettes, pour d'autres du saumon, pour d'autres le mulet. Donc il y a toute une panoplie d'outils de pêche à pied. Ce serait difficile, dans les réserves de l'écomusée, on compte à peu près une centaine d'engins, tous différents, pour pouvoir pêcher ici dans la baie du Mont. C'est-à-dire que chaque famille pratiquement invente ses propres objets. En quelque sorte. Le jojo, qui est un filet de pêche plutôt pour les poissons plats, eh bien c'est l'invention d'une personne, José Lopez, qui est venu dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui s'est accaparé les techniques de pêche et puis qui les a modifiées en fonction de ses besoins. Et cet engin ensuite a été réutilisé localement. Tout évolue au cours des siècles. Oh, il a mis ma botte dans l'eau. Puis tu remues l'eau, les poissons vont s'en aller. J'ai plus qu'une botte maintenant. Oh, un poisson! Où? Pas dans l'eau? Non. Oh, si j'avais été prêt, tiens. Mais viens maintenant, viens. Mais tais-toi, Silence, c'est sérieux. Les poissons nous entendent, tu sais. Allez, viens. Viens, dépêche-toi, voyons. Donne-moi une cuillère, là, dans la boîte, là. Non, c'est un bijou, c'est une cuillère, une trapue. Là, celle-là. Ah, vraiment, alors, toi? Tu t'y connais pas beaucoup dans la pêche. Regarde-moi, je vais tomber dans la voiture, pour où elle est. Je suis piqué, alors. Ces hameçons, alors. Alors, cette pêche, est-ce qu'elle est coûteuse en termes d'efforts? Est-ce qu'elle demande beaucoup de bras, un grand nombre de pêcheurs à pied sur la baie? Tout dépend du type de pêche. Si vous allez pêcher plutôt cueillir les coques, une simple faucille recourbée, la gratoure, un sac, un panier peuvent suffire. Si vous commencez à déployer ce qu'on appelait le grand filet, qui n'est plus en usage aujourd'hui dans la baie, un filet de 200, 300, voire 400 mètres, avec des pieux de 6 mètres de haut, eh bien là, il fallait déployer une quinzaine de pêcheurs, des bateaux, les doris, qui sont parfaitement adaptés donc à cette baie du Mont. Et quand je dis la baie du Mont, je précise côté breton comme côté normand, puisque la baie du Mont elle a cette chance aussi d'appartenir à ces deux régions et d'avoir justement sur la pêche de très très fortes similitudes. En dehors du nom des instruments de pêche, vous déplacez un pêcheur breton côté normand et inversement, il travaillent tout aussi bien. Ces territoires dépendent de communes. Oui. Là, comment est-ce qu'on se partageait la ressource? Alors, le partage de la ressource se faisait de deux façons. D'une première manière, de façon individuelle. Les pêcheurs ont besoin, pour poser leur filet, de ce qu'on appelle des palets. Ce sont des pieux qui sont la plupart du temps marqués à la marque du pêcheur. Et s'ils souhaitaient donc utiliser une zone de la baie du Mont, eh bien ils posaient ce simple palet et définissaient sa zone de pêche. Donc ça, c'est à titre individuel. À titre collectif, on a ici trois villages proches les uns des autres. Donc on a ici Saint-Léonard, on a Genet, et puis de l'autre côté de la pointe du Groin, on a donc toujours sur Vince, mais le village de Gisors. Et c'est en fonction des coefficients de marée qu'il y avait donc des alignements précis à respecter pour pouvoir pêcher notamment le saumon. Et donc on a par exemple un alignement qui va de la pointe que vous voyez là, 3 km, la pointe du Mont Manet, se dirigeant donc de Huynes. Et ça définissait donc le lieu de pêche des pêcheurs ici de Saint-Léonard. Donc ces lignes sont définies pratiquement comme en navigation, c'est ça? Exactement. Avec des amarres. Ben oui, il faut pas oublier ici qu'on est sur un fond quand même très très maritime. Même si ce sont des pêcheurs à pied, ils ont déjà aussi à partir du 19e des bateaux. Et puis tout est emprunté au monde de la mer, ne serait-ce que ce qu'on voit là actuellement. Vous voyez, la mer est en train de monter. On ne peut pas s'aventurer à n'importe quel moment. Avant les annuaires de marée, les pêcheurs avaient, par rapport à la lune et au soleil, les capacités de prédire les marées. Et donc, regardez, là, en ce moment, on voit le flot avec peut-être... on entend légèrement la vague qu'on appelle le mascaret, hein, qui est en train d'avancer. On entend le flot. Mais de Chéruet jusqu'à nous, on est dans la baie estuarienne. Trois estuaires, trois fleuves, le Couesnon, l'Assé et la Célune. Et ces trois fleuves, donc, eh bien, ils vont générer des déplacements de rivières et les pêcheurs vont devoir s'adapter à ces déplacements assez fréquents. Et c'est assez extraordinaire d'ailleurs parce qu'ils ont une capacité à anticiper les variations du lit des rivières. Pour une raison simple, c'est que quand ils tendent un filet dans cette rivière, le lendemain ou le surlendemain, ce filet peut être arraché par la force du courant ou peut être en contraire complètement envasé. Donc ils ont acquis quelque chose qui est vraiment exceptionnel, hein, ce don de prédire les variations du lit des rivières, à la fois en fonction du débit de cette rivière, mais aussi des marées. Et c'est assez extraordinaire de voir un pêcheur vous prédire que la rivière va passer là dans 10 jours ou 15 jours. Et la plupart du temps, et très très très souvent même, c'est suivi des faits. La maison de Guy Jugand, là? Oui, tout à fait, là, on y est, c'est la maison de Guy. Bah, d'ailleurs, vous voyez, il y a la bichette qui est en train de sécher, et puis on a encore les palets, là, qui servent à maintenir les dures pour la pêche à la crevette. Donc, écoutez, s'il n'est pas chez lui, je pense que vous avez peut-être des chances de le croiser au Groin du Sud, parce que la marée est haute. Donc, comme vous le voyez, donc je pense que... Il a laissé toute fenêtre ouverte, il faudrait dire qu'il est parti à toute tombe. Ben, c'est possible, hein, vous voyez, la baie n'attend pas. Point du Sud, alors. Voilà, alors donc, pour le Groin du Sud, vous allez prendre, le mieux serait peut-être de passer... Bonjour. Bonjour. On a vu sur la mer de chez vous. Sur la mer, oui. Vous ne la quittez pas des yeux? Je ne la quitte pas des yeux. On reconnaît votre maison parce qu'il y a quelques bichettes, c'est-à-dire des épuisettes pour des grandes épuisettes pour les crevettes. Ah oui, il y a des filets de pêcheurs et tout. Donc vous continuez à pêcher? Je pêche encore un petit peu. Les affaires maritimes vous laissent toujours des droits, si vous voulez, pour pêcher la crevette, le mulet. Ouais. Et vous avez le droit de pêcher, mais c'est mesuré, c'est ça? C'est mesuré, oui. Ouais. Et puis il y a des dates d'ouverture et de fermeture. Pour la crevette, avec les nasses qu'on met, les dosures, on appelle ça les dosures. Il y a des dates d'ouverture, des dates de fermeture. Par contre, pour la bichette que vous avez vue tout à l'heure, il n'y a pas de date d'ouverture ni de fermeture. Hier, on vous a loupé parce que vous étiez parti au Groin du Sud. Ben voilà, ouais. Et au Groin du Sud, j'y vais pratiquement deux fois par jour. Mais qu'est-ce que vous étiez allé voir ? Ben, je vais toujours voir parce que je suis, si vous voulez, c'est un peu mon coin. Tous les jours, je discute avec les gens et tout. Et mon père était pareil. Mon père allait là-bas, il passait des heures à discuter avec les gens. On a pas, c'est notre vie là-bas, si vous voulez. Et alors, on m'a dit que vous aviez quelque chose, un esquimau. C'est-à-dire que de loin, vous pouviez voir un poisson bouger dans l'eau ou un phoque. Vous aviez une très bonne vue perçante. Oui, c'est vrai. J'ai appris surtout avec mon père, à cette époque-là, quand on pêchait le saumon, quand il y avait du mirage, que l'eau était bien calme, on pouvait voir le poisson au moins à 500-600 mètres. Il me disait, il faut toujours reprendre un repère à la côte de l'autre côté, c'est pour vous dire, vous voyez. Et comme ça faisait un V blanc, quand ça avançait par un arbre, si vous voulez, vous preniez un arbre qui ne bougeait pas automatiquement, si le poisson avançait, qui rentrait dans plus ou moins, c'est que c'était un poisson, il n'y a pas de problème. La blancheur, on dirait, hein. Et à cette époque-là, il y avait 30 familles qui vivaient de la pêche, au saumon, là, au pays. Et puis à l'époque de mon père, il n'y en avait plus que 10, si vous voulez. Et à la fin, eh ben, c'est moi qui ai été le dernier, si vous voulez. Ils remontent toujours le cours des rivières, les saumons ? Ils remontent toujours les cours des rivières. Il y en a un petit peu, il y en a quelques-uns. Mais depuis qu'ils ont fait les travaux sur le barrage au Mont-Saint-Michel, ils ont tendance plus à remonter sur le Couesnon. Ah, ouais. Donc ils vont vers la Bretagne, ils alors. Sont, oui, si on veut, mais ils en montent quelques-uns par là. Ouais. Mais le chemin est beaucoup plus long maintenant. Et on pouvait rester combien de temps à pêcher le saumon en rivière ? Ça se passait comme ça, si vous voulez. Et comme ils étaient à l'époque de papa, ils étaient une douzaine. Et ils faisaient trois quarts, on appelait ça des quarts. C'est-à-dire, ils partaient pour 3-4 heures. À 9 heures du soir, il y en avait deux qui partaient pour 3-4 heures. Au pied des filets, ils avaient fait une cabane dans l'herbu. Et ils vérifiaient les filets, puis ils se mettaient dans la cabane à l'abri. Et 4 heures après, il y en avait deux autres qui partaient. Ils passaient les 12 heures comme ça. Et ceux qui étaient dans la cabane, ils attendaient. C'était une rotation. Ils attendaient toutes les heures, ils allaient bouter le var. Ils allaient voir s'il y avait un saumon dans le filet. Il y avait une méthode, il fallait lever le filet sur 10 ou 15 cm à un endroit. Et quand le saumon monte, il trouve l'endroit. Mais pour redescendre, comme il n'est plus dans le sens de l'eau, il ne le trouve pas. Et quand l'eau était claire, comme je vous dis des fois qu'on en voyait un, la méthode c'était, on avait comme une espèce de petite bichette, si vous voulez. Et on le voyait arriver, il fallait troubler l'eau avec les doigts de pied, si vous voulez. On faisait descendre du sable, vous voyez, et ça l'aveuglait plus ou moins. Et là, on arrivait à le prendre. Sinon, on avait du mal à le prendre autrement. Et ici, dans votre famille, sur la côte, on a pu vivre du poisson ? Nous, ça fait 5 générations qu'on est dans la baie, de père en fils. Et ils vivaient, des gens vivaient de ça. Ouais, ouais. Avec un peu de terre à côté ou... Oui, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Souvent, les pêcheurs, ils avaient leurs femmes exploitaient quelques verges, quelques hectares, si on veut. Ouais, ouais. On savait faire beaucoup de choses. Ah oui, à cette époque-là, ils faisaient beaucoup de choses. Ouais. Et moi, mes parents, mon père faisait la pêche, si vous voulez, mais ma mère tenait une petite épicerie, un petit bistrot au pays. Donc finalement, on peut toujours vivre ici, là où on est né. On est, mais maintenant, ce serait difficile pour vivre de la pêche. Il y a beaucoup moins de... À part le mulet, il y a beaucoup moins de poissons quand même que... Moi, j'ai vu quand j'ai débuté, hein, à cette époque-là, ils mettaient de grands filets, ils encerclaient. C'était des tonnes qu'ils prenaient de poissons. Hein. Ouais. Ils n'ont pas épuisé la ressource, les anciens ? Non, il y en avait à cette époque-là, non. Mais je crois que ce qui s'est passé aussi, c'est surtout quand il y a eu les usines qui se sont montées sur la branche et tout. Ben à cette époque-là, il n'y avait pas de station d'épuration, il n'y avait rien de fait. Tout allait à la rivière. Hein, ça a joué beaucoup aussi. Maintenant, c'est différent. Hein. Les eaux sont bonnes quand même. Ouais. Heureusement. Et dans ces rivières actuellement, là, une des choses les plus remarquables qu'il y a à observer, c'est le saumon sauvage. Par exemple. Et là, il y a deux jours, je suis tombé sur un saumon sauvage qui est dans les rivières, qui s'était, entre guillemets, trompé dans son parcours et qui était sur un tout petit bras où il était dans très peu d'eau, qui était complètement presque agonisant, si vous voulez. Bon, malheureusement pour lui, si vous voulez, c'est triste parce qu'il est certainement, certainement mort, en fait, sous les coups de bec des goélands. Il a fini de manger. Mais il était devant moi à 2 mètres, et ça, c'est des images exceptionnelles, si vous voulez. Parce qu'un saumon sauvage, sur un étal de poissonnerie, déjà, ça ne se trouve plus. Un saumon sauvage français, en tout cas. Manger du saumon sauvage au Mont-Saint-Michel, ça existait jusque dans les années 70, ça n'existe plus. Mais voir un saumon sauvage sur un espace naturel, bah ça, c'est rarissime. Quoi. Et c'est, je dirais, l'un de nos privilèges, entre guillemets, en étant guide dans la baie, c'est qu'on peut voir encore ces choses assez admirables et remarquables. C'est une fois de temps en temps, mais quand on peut le voir, c'est magnifique. Quoi. Imaginez, en fait, la globalité de la baie, c'est 25 000 hectares d'estran, d'espace accessible à pied à marée basse. Maintenant, là, devant nous, vers l'ouest, c'est le sable et la vase qui dominent. Ça veut dire qu'il y a principalement, et partout ici, du sable et de la vase, et les fleuves au milieu. Voilà. Et en plus de cela, comme dans la baie, vous avez un niveau qui n'est pas, je dirais, de nous ici, de la terre vers la mer, uniquement déclinant comme sur une plage, voire des points haut devant vous vers la mer, puis à nouveau un point bas, puis à nouveau un point haut, bah forcément on a même du mal à voir où le fleuve va jusqu'à la mer. Et la mer de toute façon est tellement loin, à marée basse, que vous ne la voyez pas, et là même à l'heure qu'il est, la marée est en train d'arriver autour du rocher de Tomblaine qui est là-bas à 5 km, vous êtes incapable de la voir, parce que en fait il y a des points hauts devant nous, et ce qu'il y a en dessous, ça ne se voit pas. Tout à l'heure, nous étions donc à 150 mètres dans l'eau, en quelques dizaines de minutes. Hein, toute cette surface s'est retrouvée sous l'eau. Et là, si, effectivement, il y a un phoque qui passe devant le Mont-Saint-Michel, entre nous et le Mont-Saint-Michel. Vous voyez cette forme noire, là, qui va passer, s'en aller vers le Groin du Sud. Il vient de plonger. Il est en train de suivre la marée et à la recherche du mulet, hein, son poisson. Et donc, il va manger là pendant toutes les heures de la marée montante. Puis ensuite, il va se stationner quelques heures au Groin du Sud pour repartir au large, derrière l'île de Tomblaine, se reposer à marée basse. Le cycle des phoques hein, est très... On pourrait croire qu'il est très monotone, mais c'est surtout de superbes, beaux prédateurs. Et donc là, on vient d'en voir un. Au-dessus là, du vol d'oiseaux, on va le voir réapparaître. Probablement, il est en chasse. Et là, on va commencer à distinguer le bruit de cette eau qui arrive, vous avez vu, rapidement. Hein. On peut évaluer la vitesse là actuellement à 4-5 km/h. Très en dessous de la vitesse d'un cheval au galop, hein, mais bon... C'est une légende, on le sait tous. On est plutôt sur un flot qui est entre 5 et 10 km/h, rarement plus rapide. Alors je vais vous faire une petite proposition, c'est de ne pas rester trop longtemps ici. Cette surface plane, elle est vraiment merveilleuse. Vous voyez, là on a ce qu'on appelle le sablon. Ce sable un peu plus gros, qui est très blanc par rapport à la coloration que prend le sable sur lequel nous sommes, hein, qui est beaucoup plus gris. Quand on va marcher sur cette surface, ça va craquer sous nos pieds. C'est un mélange de moitié de sable, moitié de sel. Je vous propose... d'y aller, oui. Et puis après on va très vite migrer parce que la mer monte, c'est un grand coefficient et il faut rester prudent, l'hélicoptère pourrait venir nous chercher même si on n'a pas envie. Parmi les risques en baie du Mont, donc on a bien sûr de négliger, on néglige la marée montante, c'est un des risques. Le deuxième, c'est que vous avez vu, cette surface est grise. Vous rajoutez du brouillard, vous rajoutez le fait que on n'a pas, la ligne droite n'est pas toujours possible, le fait qu'on soit un peu désorienté, et vous tournez dans la baie. Et j'ai des anecdotes d'anciens pêcheurs qui me disent que grâce aux vaches, ils revenaient à terre. C'est en écoutant le bruit des vaches qu'ils étaient à même de revenir, parce qu'il faut s'imaginer les filets à 1,5 km au large, et puis le brouillard qui arrive, là au plus de points de repère, c'est le bruit, ça va être le bruit des vaches. Donc on partait pour de longues heures sur la baie. Tout le temps de la marée basse était mis à profit pour pêcher, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le temps de la marée haute était aussi mis à profit pour vendre. Entre la mer et la terre s'étendent des campagnes pélagiennes, frontières indécises des deux éléments. L'alouette de champ y vole avec l'alouette marine. La charrue et la barque, à un jet de pierre l'une de l'autre, sillonnent la terre et l'eau. Le navigateur et le berger s'empruntent mutuellement leur langue. Le matelot dit les vagues moutonnes, le pâtre dit des flottes de moutons. Des sables de diverses couleurs, des bancs variés de coquillages, des varechs, des franges d'une écume argentée dessinent la lisière blonde ouverte des blés. François René de Châteaubriant. Émergé. On a en fait du dépôt de marée, des végétaux. On se trouve même, je voyais ce genre de choses. Des œufs de bulot. Ah, c'est drôle. Ça, c'est des œufs de bulot secs. Ouais. Généralement, on retrouve ça dans une sorte de boule. Ça fait comme une. Tout le monde pense que c'est une éponge de mer. Mmh. Non, en fait, c'est des œufs de bulot amalgamés. C'est drôle. Mmh. Là, vous ne voyez pas bien la boule que ça peut faire. Mais là. C'est vide, ils sont tous morts. Ils ont tous éclos. Mais si on regarde bien, vous voyez. Vous allez être là, vous avez de la mousse d'écume qui est là. Si on descend encore de 4-5 mètres, il n'y a plus de végétation. Et là, c'est une patinoire. C'est une patinoire parce qu'en surface, il y a juste en fait une couche d'argile. Et là, si on passe à ce niveau-là, il faut se déchausser. Mais en fait, comme tout ce qu'on veut faire dans la baie, aller à la pêche à pied, chasser, se promener, voilà. Ouais, c'est pas du sable, on le voit bien, si vous voyez, c'est hyper gris, vous voyez. Presque une plage, si vous voulez, un peu volcanique, vous voyez, c'est pas noir, mais pas loin. Mais la semaine prochaine, ici, vous revenez, comme il n'y a plus de dépôt argileux par la marée, ça s'assèche littéralement, c'est presque tout blanc. On parle, vous savez, dans la baie d'Anse-Michel, d'une baie de lumière. La lumière du soleil se projette totalement sur le mont. Bon, là, vous voyez, il est un peu brillant, gris clair. Parce que là, si on avait des nuages noirs très présents vers la Bretagne, ce qui arrive souvent, vous avez un tel contraste entre le noir et le soleil qui apparaît dessus, que ça fait qu'il est argent. Les photographes qui réalisent les plus beaux clichés de la baie du Mont-Saint-Michel sont ceux qui peuvent passer le plus de temps sur la baie. Parce que cette lumière-là, en fait, elle est totalement furtive. Tout est question d'instant ici, que ce soit pour l'observation des oiseaux, et au niveau de la pêche, c'est pareil. Tout ici, forcément, demande beaucoup de déplacements, parce que dans la baie, tout se fait à pied, et il faut accepter de marcher, beaucoup, parfois, pour, en fait, des moments, si vous voulez, qui vont être intéressants, dans notre esprit un peu de prédation pour la pêche et pour la chasse qui vont être très très courts. Moi je chasse principalement dans ce but là, si vous voulez, dans le but d'être seul au milieu de nulle part, au lever du jour, parce que c'est pour moi les plus beaux moments en fait qui soient dans la baie. Et c'est pour ça d'ailleurs que même par exemple si vous voulez parler de la chasse, la chasse dans la baie du Mont-Saint-Michel, si vous voulez, en tout cas la chasse sur le sable, où on creuse un trou sur le sable pour se cacher et attendre que des oiseaux viennent vers vous, elle demande beaucoup d'efforts et de connaissances du milieu. Parce qu'il va falloir aller de nuit vers un endroit que vous aurez repéré la veille, le retrouver. Déjà de nuit sur le sable, c'est pas forcément facile. Porter beaucoup de matériel, creuser un trou sur le sable et attendre pendant des moments qui sont très brefs. Parce que c'est principalement au lever du jour que tout se passe. Et puis après, c'est en fonction de la marée aussi. Donc bien sûr, après, vous devez rentrer avant que la marée vous touche. Vous voyez, en fait, les canards qu'il y a devant nous, qui sont principalement des tadornes de belon, sont des canards très lumineux. blanc principalement avec des teintes vert fauve, bah là il brille beaucoup plus, voilà, moins de lumière forcément il brille moins. Regardez l'écrin de Garzette qui est devant nous, on a vraiment l'impression, si vous voulez. Alors, c'est pareil selon la manière dont elle se tourne, si vous voulez, on la voit plus ou moins bien, elle est plus ou moins bien éclairée. Là on la voit vraiment bien, il y a même un beau reflet dans l'eau. Voilà. Je crois que quelqu'un vous regrette, non, sur le... Peut-être, hein, oui, sur la berge. Elles étaient là avant, elles avaient pris l'habitude de me voir, mais... Non, elles étaient là il y a 3 heures, mais avec la marée, les bêtes qui sont là sur le présalé ont été évacuées. C'est la transhumance des grandes marées, et donc les vaches, oui, sont passées des présalés en quelques heures, vous voyez, à ce volet plus campagne, hein, plus bucolique. Mais elles regrettent, on le sent, on les entend. Vous avez ici ce qu'on a, une sédimentation naturelle et des présalés qui n'existaient pas il y a encore une cinquantaine d'années. Or, si on les enlève, qu'est-ce qu'on voit comme paysage ? On voit des pêcheurs avec des doris, hein, qui s'en vont régulièrement donc vers la mer, qui vont pêcher. Et on a une transition donc assez spectaculaire. Je vous parle des années 50, années 60, 70. Ces pêcheurs vont percevoir, hein, que la pêche et la cueillette sont en déclin. Et parallèlement, c'est l'essor de la mytiliculture et de l'ostréiculture ici dans la baie du Mont. Et ces pêcheurs traditionnels, donc pêcheurs-cueilleurs, hein, eh bien vont petit à petit sentir la nécessité de changer de métier, évoluer, et c'est pour moi une vraie révolution, hein, puisqu'on passe de pêcheur-cueilleur à éleveur, et c'est ce qui va se passer donc à partir des années 60-70. C'est une vraie révolution ici sur l'Estran, une révolution par contre tout à fait silencieuse. Personne ne se rend compte que cet espace va peu à peu voir disparaître des milliers, voire des dizaines de milliers d'années de pratiques, d'activités de pêche. Vous comparez ça pratiquement à une révolution néolithique. C'est très proche de la révolution néolithique, puisqu'on passe donc d'une population de pêcheurs-cueilleurs à éleveurs. Ils vont élever des coquillages, certes, mais on reste donc sur le domaine maritime, mais avec des méthodes qui s'apparentent beaucoup plus à celles, oui, effectivement, de l'agriculteur. Se passer une autre révolution, peut-être celle de voir le Mont rattaché au polder. Oui, il faut savoir qu'un présalé tel qu'on les a devant nous, ce présalé ne peut être sous l'eau qu'aux grandes marées et à marée haute. Hein? Donc c'est la situation que devait vivre le Mont dans une vingtaine d'années si rien n'avait été fait. Vous n'auriez pu voir le Mont, cette île, et cette île un peu sacrée, hein, puisque vous voyez sa disposition à l'intérieur de cette baie, cette île, eh bien, elle aurait disparu. Hein. Alors, il faut aussi se mettre dans le contexte. Quand on voit un paysage, il faut se mettre aussi dans le contexte des hommes et des femmes qui ont créé ces paysages. Et c'est vrai que les derniers polders, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, hein, leur construction. Et qu'est-ce qui se passe à cette époque? Pourquoi on pressent? Pourquoi on a envie, en fait, de créer des champs dans cette baie sur une surface initialement maritime? C'est parce que les gens ont faim. On est dans une société qui a faim après la dernière guerre mondiale. Donc la préoccupation, c'est de s'alimenter. Donc c'est à la fois la révolution agricole, c'est la nécessité d'augmenter les rendements, de trouver de nouvelles terres. Et il se trouve que la tangue ici dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est une richesse importante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va poldériser, on va réduire l'emprise maritime. Or, depuis les années 60, sont passées ces difficultés vivrières, on a moins de préoccupations alimentaires, et là on a un peu retourné la situation en se rendant compte que auparavant on qualifiait la baie du Mont comme étant au péril de la mer, et là on s'est rendu compte qu'elle commençait à être au péril de la terre. Et on a complètement modifié notre regard, mais je crois que c'est un regard de société qui évolue. À part Victor Hugo, au 19e, qui avait évoqué le fait que c'était pas extraordinaire d'avoir implanté cette digue, peu de gens pressentaient qu'on était en train d'enfermer le monde dans une gangue à la fois agricole et puis qu'on réduisait petit à petit l'emprise maritime ici. Elle n'a pas l'air toute jeune, votre chienne. 9 ans. Là. 9 ans. Votre chienne de berger. Elle a de l'arthrose. Là. Comme 100 mètres. Et ces moutons, est-ce qu'avant il y avait un petit peu de transhumance avec les moutons, non, autour ouais, du monde? Bah surtout chez les voisins là, à côté. Ouais. Il y a 2 troupeaux et le troisième qui est de l'autre côté. Ouais. Et là, il y a suffisamment d'herbe dans ce champ. Ouais. Ouais, ouais, ils aiment bien la Puccinella qu'on voit, là, qui est un peu plus jaune. Bon, c'est vraiment entendu rare. Hein. Plus haut, il y a un peu plus d'herbe, mais il la mange presque pas, il faut la faucher. Sinon, oui. Et à force que les randonneurs y passent, on voit bah, toute l'herbe jaune là-bas, ils n'en veulent plus, c'est trop haut. Chien d'or maritime. Et c'est fait combien d'années que les moutons sont là près du Mont-Saint-Michel? Au du temps des moines, parce qu'ils voulaient des. On pourrait écrire, il leur fallait des peaux de moutons mort-nés. Ils faisaient. Ouais, s'il n'y avait pas de papier, du temps des moines. Donc, Alors ce qui veut dire qu'il en fallait beaucoup des moutons. Là. Ils sont plutôt bien ici, ces moutons-là. Ouais. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes juste là? En face du bah, depuis 60 ans. J'ai 60 ans au mois de juillet. Là. Depuis ma naissance. Donc. Et vous avez hérité d'un troupeau? Ouais, bah, j'ai racheté à ma mère. Elle avait combien de moutons, votre mère? Bah, à l'époque, j'en avais 150, à peu près. Et votre mère, elle avait hérité ce mouton de qui, du coup? Mon grand-père, mes grands-parents. Ils avaient repris le café qui était à mon arrière-grand-mère qui avait créé le café en 1903. Il s'appelait Madame Vittel. Madame Vittel? Ouais. C'est l'auberge où l'avait? Ouais. Là, je peux être comme ça, sinon ils ouvrent. Ah bon, c'est intelligent, mouton? Ouais. Non, les touristes. Ah. J'ai fait 2 fois, je crois. D'accord. Et là-bas, je mets un cadenas, c'est bon. Dolly! Dolly! Dolly, il y en a un là sous la route. Oui. Donc pour aller là vers le Mont-Saint-Michel, il faut aller à l'ouest. Ouais, enfin ouest-sud-ouest, là, à vrai dire. C'est vrai que je vous ai un peu menti, mais plus un peu au sud-ouest. Mais ouais, voilà, il faut plus aller vers la mer, en tout cas, si vous voulez. On dit que les pèlerins venaient en suivant la courbe du soleil. Et effectivement, bah, ils allaient plutôt de l'est et du nord-est ou du sud-est vers la mer. Qu'est-ce qu'il y a derrière le Mont-Saint-Michel alors? Et bah, ce qu'il y a derrière le Mont-Saint-Michel, c'est des prés salés. Et puis ce que vous voyez avec ces grandes haies là, plantées de peupliers, ce sont en fait les polders, ces terres dont je vous avais parlé, qui sont gagnées sur la mer. Donc c'est une véritable catastrophe après pour l'environnement. De manière générale dans la baie, parce qu'en fait, elles ont rétréci l'espace maritime, déséquilibré l'écosystème et amené à une accélération notoire de l'ensablement dans la baie. Qu'est-ce que ça a changé dans l'écosystème? Ça a changé dans l'écosystème, si vous voulez, que la baie s'est rétrécie, en fait. Forcément, mais là, empêcher la mer de, si vous voulez, de gagner ses terrains, ça demande des travaux, si vous voulez, beaucoup d'efforts. Heureusement, aujourd'hui, on a arrêté ce processus et depuis très longtemps, mais forcément, ça dénature, en fait, un milieu complètement, quoi. Et vous apercevez aussi aujourd'hui des changements, des modifications de l'environnement? De l'environnement, moi si vous voulez, c'est à trop petite échelle. Quoi. Ça fait 15 ans que je suis guide, 25 ans que je vais dans la baie. Évidemment, on voit une modification, si vous voulez, de par l'ensablement notamment. Ça rend moins maritime beaucoup d'endroits, quoi. Ça c'est évident. L'ensablement continue? Bien sûr. Ah oui, alors là, si vous pensez que l'ensablement s'est arrêté parce qu'on a fait les travaux au pied du Mont-Saint-Michel, non, vous vous trompez totalement. Les travaux au pied du Mont-Saint-Michel, ça correspond à des travaux pour rétablir le caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Et ce ne sont pas des travaux de désensablement. Ça, c'est ce qu'on a raconté depuis des années. Mais ce n'est pas vrai, si vous voulez. Ce n'est pas du sable et on n'a rien enlevé. On a juste en fait fait en sorte qu'au pied du Mont-Saint-Michel, il y a moins de sédiments. Mais c'est aussi pour cela que quelque part, il y en a plus ailleurs. Parce que ce qui ne peut plus se déposer au pied du mont, il faut bien qu'il trouve sa place ailleurs. Donc ça marche, mais ça marche sur une échelle géographique qui est très limitée. Donc si vous voulez, il ne faut pas croire que le projet a une connotation environnementale. Et voilà, il a disparu. T'as vu ? Et l'autre aussi, il a disparu. On parle plus de trucs. Est-ce qu'on se trompe si on dit que la digue est en partie responsable de l'ensablement ? Les premières digues ? Non, on se trompe à la digue qui a été construite au 19e siècle, qui était une digue qui permettait de faciliter et de sécuriser l'accès au mont par tous les temps, a constitué une barrière en fait physique, empêchant l'eau de faire le tour du mont et donc favorisant l'englument du mont, l'ensablement des abords du mont Saint-Michel, c'est certain. Oui. On voit le mont Saint-Michel de la maison, on est une vingtaine de kilomètres. On est bien là quand même. On va dire qu'on est dans la baie. Ouais. On s'en lasse pas, on s'en fatigue pas. Quelle mission avez-vous eu, vous, Luc Weisman? Alors moi, je suis arrivé dans cette histoire du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel en 2000 au travers d'un concours qui était un concours international d'architecture et d'ingénierie pour la réalisation du nouveau barrage qui est donc l'espèce de clé hydraulique visant à régler les énergies aquatiques pour favoriser ou éviter que l'ensablement des abords du Mont-Saint-Michel ne se développe encore. Il gère en fait les énergies, il consomme lui-même très peu d'énergie. Et son principe, c'est de gérer l'énergie marine pour favoriser le désensablement des abords du Mont-Saint-Michel. Donc il stocke l'eau de la mer à marée haute, il se ferme quand la mer est haute, et quand la mer est basse, il s'ouvre et permet, par des chasses, de dégager en fait les sédiments des abords du Mont-Saint-Michel. Donc il gère finalement une énergie naturelle, et il est vraiment, avec le minimum d'efforts, il produit le maximum d'effets finalement. Et dans ce sens-là, il est très à l'écoute du rythme de la nature. Je disais à un moment même que je le voyais comme une espèce d'horloge cosmique parce qu'il se mettait en mouvement selon le rythme du cosmos, des marées, des lunes, et que c'était rare de voir une machine qui soit à l'écoute du rythme naturel et du rythme cosmique. Et dans ce sens-là, le barrage a une fonction de service par rapport à ce paysage. Pourquoi tenir tant à la conservation de ce site tel qu'il est dans l'imagination et dans l'imaginaire, je dirais un peu collectif? Est-ce que finalement, le fait que les polders avancent, imaginer le mont entouré de verdure, est-ce que ça aurait été si gênant? Mais ça a été tout un débat, mais c'est un débat au fond sur la culture. Et le débat était que ce rocher du Mont Saint-Michel et l'abbaye n'existaient que dans son rapport à l'eau, quelque part, aux éléments naturels. Et le fait qu'il soit pris dans les terres, lui perd complètement son âme. Donc après, est-ce qu'une société comme la nôtre, aujourd'hui, doit investir de l'argent pour participer au désensablement des abords d'un rocher comme le Mont Saint-Michel? Ça, c'est une question, je dirais, d'ordre politique. La réponse que je me suis faite à cette question, c'est que le coût de l'ensemble des travaux, globalement, était le coût de deux avions de chasse et un hélicoptère de combat. Et quand on ramène ça à quelque chose de cet ordre-là, on relativise ce niveau d'investissement qu'on doit avoir. Je crois qu'on doit célébrer la mémoire et célébrer aussi sans doute la nature et le rapport aux éléments naturels au XXIe siècle, mais il y a aussi la volonté de préserver une espèce d'absolu ou ce repère qu'est le Mont-Saint-Michel sur la planète aujourd'hui, de lui garder son écrin. Je trouve ça extrêmement beau. Et il s'avère que là, hydrauliquement, le projet donne ses fruits et a permis à l'eau de retrouver sa présence autour du monde de façon assez étonnante même. Tous les petits bruits que là vous entendez, ils viennent en fait d'oiseaux qui sont sur l'espace brillant qui est dans l'axe du Mont-Saint-Michel, sur ce qu'on appelle une vasière. Et ce sont en fait des limicoles, des petits limicoles, des oiseaux avec un bec pointu d'à peu près 5 cm, sorte de Speedy Gonzales des plages, ceux que vous voyez sur les plages courir devant les vagues. Des bécassos, variables, sanderling, ou bien des gravelots, petits gravelots ou grands gravelots. Et là, en fait, ils ont été déplacés par la marée, plus loin, tellement, et ils sont posés sur la vasière qui est là-bas, c'est pour ça qu'on les entend. Et on en commence à entendre le grondement un peu sourd aussi de la marée qui est en chemin vers nous et qui va arriver d'ici à peu près un quart d'heure à la pointe du Groin du Sud là-bas, puis après qui va continuer son chemin et passer devant nous. Marée, que l'on entend venir vers nous. Ouais, on entend un petit peu le bruit de la marée venir vers nous. Mais c'est encore un peu perceptible, mais c'est en train d'arriver. Vous voyez, on a des super belles lumières tout autour. Le mou a encore changé de teinte. Tout à l'heure, il était rosé. Il s'éclaircit un petit peu, comme le ciel tout autour de nous. Ce qui nous semblait tout à l'heure une étendue sombre et grise, voilà. Là, se dort peu à peu. La tangue semble prendre des couleurs plus chaudes, en fait. Ici, l'aube, et puis le soleil est dans notre dos. Bonjour. Mais dis donc, vous êtes matinal ce matin? Non, pas trop tôt, là, ça d'accord, va. Mais moi, j'étais, on était plutôt goût, c'est vrai. Ah oui, ouais. Là, je... Oh, mais ça va passer quoi, dans un quart d'heure, une demi-heure? Ouais, dans 25 minutes. Ouais, 25 minutes. Qu'est-ce que vous attendez à voir? Ah, moi, le mascaret. Ah oui, et puis d'avoir la vue. En fait, la semaine dernière, on avait une vue, effectivement, avec le soleil qui arrive directement sur le mont. Ici, c'est superbe. Qu'est-ce que c'est, le mascaret? Le mascaret, en fait, c'est une vague déferlante qui est liée à l'opposition de force entre l'onde de marée et le courant des fleuves. Donc, en fait, pour observer un mascaret, un, il faut que vous ayez des grandes marées. Deux, il faut que vous soyez à côté d'un fleuve. Donc là, c'est la situation idéale. Vous êtes près de la C et de la C lune, et la mascaret va arriver. Voilà, sur le fleuve, puis elle va progresser. Vous vous mettez sous la maison, là, au plus près de la rivière. Et vous coupez, vous mettez le son seulement et entendez le bruissement qui arrive. Et puis voilà. Une fenêtre sur la terre et sur le ciel et sur l'eau qui se mélange, c'est absolument super. Tout à l'heure, la marée va monter, ça va devenir un milieu complètement aquatique. C'est toujours très étonnant. C'est le bout du monde ici, on a la sensation. Il n'y a pas de bout sur la planète est... C'est sphérique, mais c'est quand même un bout de la planète. Mais ici, c'est un point quand même particulier. Vous ne voudrez pas, non? Regardez. 19h22, normalement, aujourd'hui. Là, vous êtes penché sur votre portable, mais oui. Vous ne regardez pas. Ah bon, ça fait presque une demi-heure qu'on est là. Donc on attend ça avec impatience. Il paraît que c'est un spectacle magnifique. Donc, Et toi, tu attends? Qu'est-ce que tu attends, toi? La vague. Voilà. Donc, prenez votre temps. Alors, voilà, la vague va arriver dans le lit du Quenon, mais parfois, et c'est un des dangers de la baie, vous pouvez être encerclé sans vous en rendre compte. Parce que la mer ne va pas arriver comme un front, comme ça, tranquillement. Elle arrive d'abord dans le lit des rivières. Et donc, il faut un petit peu connaître les rivières. Oui, oui. Tu veux savoir s'il va y avoir des noyés devant nous, là? Non. Bon, ils devraient survivre. Ce spectacle grandiose que vous découvrez, maintenant, vous allez me dire, oui, mais il est gentil, mais à quelle heure la mer monte? Eh bien, elle monte. Mais au mont, pendant des siècles, la plus grande baie d'Europe, hein, et avec une amplitude qui est considérable, il y a 15 mètres d'amplitude au fond de la baie, ça a été considéré comme étant effectivement un spectacle terrible. Et vous savez comment, pendant des siècles, on a appelé ce rocher, hein, le mont Saint-Michel, au péril de la mer, parce que la traversée, c'est évidemment beaucoup de dangers. Donc le mascaret arrive d'abord dans le lit de la rivière, eh bien il va s'engouffrer dans ce bras du Quenon, qui est très large, et puis surtout dans l'autre bras, ici, qui est plus étroit. Et c'est là que c'est le plus spectaculaire. Parce qu'évidemment, plus le bras est étroit, plus la barre peut être spectaculaire. Mais voilà, surtout, attendez ici l'arrivée du mascaret, ça ne devrait pas tarder. Le mascaret est en train de se former, il va s'engouffrer dans les estuaires, dans quelques minutes, vous verrez passer le flot. Regarde, t'as vu, regarde, ça recouvre tout ça tout d'un coup. Tu vois ou pas? Ça va vite, hein? Avec Jean-Yves Coquaigne, Romain Pilon, Guy Juan, Luc Weisman, François Saint-James, lecture Adrien Melin. Prise de son Olivia Granger. Attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier. Au mixage Bernard Laniel. Les trésors ensablés de la baie du Mont-Saint-Michel. Une émission de Nejma Boikra réalisée par Laurent Polleret. Coordination, Perrine Kévran. «